Les gloires de Marie. Paraphrase du Salve Regina. Première partie. Chapitre 4. Enfants d'Ève, pauvres exilés, nous prions vers vous. Marie, notre secours. Combien Marie est prompte à secourir ceux qui l'invoquent. Pauvres enfants de la malheureuse Ève, et, comme telle, coupable aux yeux de Dieu de la même faute et condamnée à la même peine, nous errons çà et là dans cette vallée de larmes, exilés de notre patrie, gémissant sous le poids de maux innombrables qui nous affligent dans le corps et dans l'âme. Mais, au milieu de ces peines, heureux celui qui tourne souvent ses regards vers la consolatrice du monde, le refuge des misérables, l'auguste mère de Dieu, et l'invoquer la prie avec ferveur. Heureux, dit Marie, celui qui écoute mes conseils, et qui veille continuellement aux portes de ma miséricorde, Proverbe 8, 34, pour invoquer mon intercession et mon secours. La Sainte Église, notre Mère, nous enseigne clairement, par le culte spécial qu'elle lui voue, avec quel empressement et quelle confiance nous devons recourir sans cesse à cette bienveillante protectrice. Elle célèbre dans le courant de l'année un grand nombre de fêtes en l'honneur de Marie, elle consacre spécialement à son service un jour de chaque semaine, elle veut que chaque jour, dans l'office divin, les ecclésiastiques et les religieux l'invoquent au nom de tout le peuple chrétien, trois fois le jour, au son des cloches, elle invite tous les fidèles à la saluer. Au surplus, comment douter de l'intention de l'Église à cet égard, quand on la voit, dans toutes les calamités publiques, s'adresser à la Mère de Dieu et ne négliger, pour se la rendre favorable, aucune des pratiques pieuses, telles que neuvaine, prière spéciale, procession, visite de ses églises ou de ses images? Et remarquons-le bien, si Marie désire être invoquée et priée ainsi par nous en toute occurrence, ce n'est pas qu'elle mendie nos hommages, toujours fort au-dessous de son mérite, mais elle veut que, par des progrès toujours nouveaux en confiance et en dévotion envers elle, nous méritions de sa part une plus grande abondance de secours et de consolation. Ainsi l'entendait Saint Bonaventure, Marie cherche, dit-il, des âmes qui recourent à elle avec de vifs sentiments de respect et d'amour, car ce sont celles-là qu'elle chérit, qu'elle nourrit, qu'elle embrasse comme ses enfants. Selon la pensée du même docteur, Marie fut préfigurée par Ruth, dont le nom signifie celle qui voit et qui se hâte, car quand Marie nous voit dans la tribulation, elle en est touchée et se hâte de nous venir en aide. Dans son désir de nous favoriser, ajoute Novarin, elle ne peut souffrir de retard, et loin de retenir ses grâces d'une main avare, cette mère de miséricorde n'a rien de plus pressé que de répandre sur ses serviteurs les trésors de sa munificence. Oh comme cette bonne mère est prompte à secourir quiconque l'invoque, en expliquant un passage des Cantiques, 4, 5, Richard de Saint-Laurent fait cette remarque, « Le cœur maternel de Marie n'est pas moins prompt à donner le lait de la miséricorde à ceux qui le demandent, que les jeunes chevreuils le sont à bondir. Un simple Ave Maria suffit, assure-t-il, pour faire jaillir à flot cela bienfaisant. » Et selon Novarin, la bienheureuse Vierge ne se contente pas de courir, elle vole au secours de ceux qui l'invoquent. Dans l'exercice de la miséricorde, dit-il, elle ne peut manquer d'imiter le Seigneur, fidèle à la promesse qu'il nous a faite en ces termes demandés, et vous recevrez, Jean 16, 24. Dieu semble prendre des ailes quand il s'agit d'aller tirer de peine une âme qu'il appelle à son aide, ainsi fait aussi Marie quand nous la prions. Elle ne sait nous différer son assistance. Par là, On comprend quelle est cette femme dont il est dit dans l'Apocalypse, il fut donné à la femme de grandes ailes pareilles à celles de l'aigle, Apocalypse 12, 14. Par ses ailes Ribera entend celles de l'amour, à l'aide desquelles Marie s'élevait sans cesse vers Dieu. Mais le bienheureux Amédée donne une explication plus conforme à notre sujet. Pour lui, ces ailes d'aigle marquent la promptitude de Marie à secourir ses enfants, les séraphins eux-mêmes, ajoute-t-il, ne saurait égaler la rapidité de son vol. Tout ceci est confirmé par un passage de l'Évangile. Quand Marie alla visiter Sainte Élisabeth et combler de grâce toute cette heureuse famille, elle ne marcha pas avec lenteur, mais, selon la remarque de Saint Luc, elle fit grande diligence pendant tout le trajet, Luc 1, 39. Ce qui n'est pas dit de son retour. Pourquoi dans les sacrés cantiques, 5, 14, est-il dit des mains de Marie qu'elle semble faite au tour? L'art du tour, répond Richard, est de tous le plus prompt et le plus expéditif, et Marie est plus prompte qu'aucun autre saint à tendre une main secourable à ses dévots. Ineffable est son désir de consoler tout le monde, ajoute Louis de Blois, aussi elle n'a pas sitôt entendu une voix suppliante s'élever vers elle, qu'elle y prête une oreille favorable et l'exauce. Qu'il avait donc raison Saint Bonaventure, qu'en s'adressant à Marie il s'écriait, ô toi, le salut de ceux qui t'invoquent. Par là il donnait à entendre qu'il suffit pour être sauvé d'invoquer cette divine mère, toujours prête, assure Richard de Saint-Laurent, à secourir quiconque l'a pris, et nous ne devons point nous en étonner, puisque, selon Bernardin de Busty, cette grande reine ressent un plus vif désir de nous accorder ses grâces, que nous de les recevoir. La multitude même de nos péchés ne doit pas diminuer en nous la confiance d'être exaucée de Marie, quand nous irons nous jeter à ses pieds. Elle est mère de miséricorde, or, la miséricorde resterait sans emploi, si elle ne trouvait des misères à soulager. Une bonne mère qui verrait son enfant infecté de la lèpre, ne saurait lui refuser ses soins, bien qu'il lui en coûtât beaucoup de peine et de dégoût, et quand nous réclamons les soins de Marie, elle ne saurait nous repousser. Si grande que soit l'infection des péchés dont nous sollicitons la guérison, elle n'a pas oublié, ajoute Richard, que c'est en faveur des pécheurs qu'elle est devenue la mère d'un Dieu qui est la miséricorde en personne. Et tel est précisément le sens d'une vision dont fut favorisée Sainte Gertrude. Elle voyait la glorieuse Vierge ouvrant son manteau comme pour donner asile à tous ceux qui voulaient se réfugier auprès d'elle. La Sainte comprit en même temps que les anges sont attentifs à défendre les pieux serviteurs de leur reine contre les attaques de l'enfer. Au reste, la tendresse vraiment maternelle de Marie à notre égard et sa compassion pour nos maux vont si loin, qu'elle n'attend pas nos prières pour nous secourir et elle prévient ceux qui la désirent et se présente à eux la première. Sagesse 6, 14. Ces paroles de la sagesse lui sont appliquées par saint Anselme, sur un simple désir de notre part, dit-il, Marie nous accorde sa protection. Ce qui veut dire qu'elle nous obtient de Dieu beaucoup de grâce avant que nous l'en ayons prié. C'est pourquoi, selon Richard de Saint-Victor, le sage la compare à la lune, Cantique 6, 9, ce bel astre l'emporte sur les autres en rapidité, et, nous l'avons dit, rien n'égale la promptitude de Marie à nous secourir, mais de plus, elle ne se montre pas telle seulement quand nous l'invoquons, elle pousse le zèle de notre bien jusqu'à prévenir nos prières quand elle nous voit dans le besoin, et nous sommes moins prompts à implorer son appui, qu'elle à nous le prêter. Écoutons la touchante raison qu'en donne cet auteur. Le Seigneur, ô Marie, a tellement rempli de tendresse votre sein maternel, que la simple connaissance de notre misère en fait couler le lait de la miséricorde. Et vous ne sauriez, ô douce reine, être témoin des besoins d'une âme, sans lui venir aussitôt en aide. Cantique 23. Mais déjà pendant sa vie terrestre, Marie donnait des marques de cette grande bonté qui la porte à compatir à nos peines et à les adoucir, alors même que nous ne la prions pas à preuve ce que, selon saint Jean, elle fit aux noces de Cana. Voyant le cruel embarras des deux époux, désolée et confus de ce que le vin allait manquer à la table du banquet, cette tendre mère n'attendit point qu'on eût recours à elle, mais cédant à la seule inclination de son cœur, incapable de voir l'affliction d'autrui sans la partager, elle vint prier son divin fils de consoler ses hôtes, et lui exposant simplement le besoin dans lequel ceux-ci se voyaient, « Ils n'ont plus de vin, Jean 2, 3 », lui dit-elle. Et Jésus, désireux de tirer cette famille de la peine, désireux surtout de contenter le cœur compatissant de sa mère, Jésus, disons-nous, opéra le miracle que tout le monde connaît, il changea en vin l'eau dont on avait rempli six grandes urnes. Sur quoi nos varins raisonnent ainsi, si Marie, même sans être priée, se montre si empressée à secourir les affligés, combien plus le sera-t-elle à consoler ceux qui l'invoquaient qui réclament son assistance. Et si quelqu'un craignait de voir sa prière rebutée par Marie, Innocent III le reprendrait de sa défiance en ces termes, et qui donc invoqua jamais cette douce souveraine sans être exaucée? Que celui-là écoute le bienheureux petit chien, lequel s'écrie pareillement aux glorieuses vierges, qui a jamais imploré votre protection assez puissante pour soulager tous les malheureux et sauver les pécheurs les plus désespérés, et s'est vu abandonné de vous? Cela n'est jamais arrivé, et n'arrivera jamais. Qu'il écoute saint Bernard, je le veux bien, ô Vierge Sainte, dit le saint docteur, que celui-là ne parle plus de votre miséricorde, n'en fasse plus l'éloge, qui vous aurait invoqué dans ses besoins, et se souviendrait d'avoir été délaissé par vous. On verra le ciel et la terre tomber en ruine, ajoute Louis de Blois, avant que Marie refuse son secours à une âme qui le lui demande avec une intention droite et en plaçant son espoir en elle. Saint Anselme ajoute encore à tous ces motifs de confiance. Non seulement nous devons compter sur la protection de la Divine Mère quand nous nous recommandons à elle, dit-il, mais parfois nous serons plus vite exaucés et sauvés en invoquant le saint nom de Marie, qu'en invoquant le saint nom de Jésus, notre Sauveur. La raison en est, ajoute-t-il, que le Fils est notre Seigneur et notre Juge, mais quand nous invoquons le nom de la Mère, si nous ne méritons pas d'être exaucés, les mérites de la Mère interviennent en notre faveur et nous font exaucer. C'est-à-dire, si nous parvenons plus vite au salut en priant la Mère qu'en priant le Fils, ce n'est pas que Marie ait plus de pouvoir que son divin Fils pour nous sauver, nous savons en effet que Jésus-Christ est notre unique Sauveur, que lui seul, par ses mérites, nous a obtenu et nous obtient le salut, mais en recourant à Jésus-Christ, nous voyons en lui non seulement notre Sauveur, mais encore notre Juge, à qui revient le droit de punir les ingrats. Et il peut nous arriver ainsi de manquer de la confiance requise pour être exaucé. Il n'en est pas de même quand nous nous adressons à Marie, dont l'unique office est de compatir à nos peines comme mère de miséricorde, et de nous défendre comme notre avocate, notre confiance alors est plus ferme, se semble, et plus entière. Nicéphore nous donne de ceci une autre raison non moins solide. On demande beaucoup de choses à Dieu, et on ne les obtient pas, Nous dit-il, on les demande à Marie, et on les obtient. Comment cela se fait-il? Ce n'est pas que Marie soit plus puissante que Dieu, mais c'est que Dieu a voulu honorer ainsi sa mère. Elle est bien consolante, la promesse que sainte Brigitte recueillit à ce sujet de la bouche du Seigneur lui-même. On lit dans ses révélations qu'elle entendit un jour Jésus qui parlait ainsi à sa mère, « Ma mère, demandez-moi tout ce que vous voudrez, je ne rejetterai jamais aucune de vos requêtes. Sachez en outre, ajouta-t-il, que tous ceux qui solliciteront de moi quelque grâce, en me priant de la leur accorder pour l'amour de vous, je promets de les exaucer, fussent-ils pécheurs, pourvu qu'ils aient la volonté de s'amender. » La même chose fut révélée à sainte Gertrude. Elle entendit notre divin Rédempteur dire à Marie que, dans sa toute-puissance, il lui avait accordé d'user de miséricorde envers les pécheurs qu'il invoquerait, et de le faire en la manière qui lui plairait davantage. Que chacun donc en invoquant cette mère de miséricorde, lui dise avec grande confiance ce que lui disait saint Augustin, souvenez-vous, ô très clémente reine, que, depuis l'origine du monde, on n'a jamais ouï dire que vous ayez abandonné personne. Pardonnez-moi donc, si j'ose vous déclarer que je ne veux pas être le premier assez malheureux pour être abandonné de vous, après avoir eu recours à votre protection. Exemple, saint François de Sales fit l'heureuse expérience de l'efficacité de cette prière, ainsi qu'on le voit dans l'histoire de sa vie. Il se trouvait à Paris pour ses études, à l'âge de 17 ans environ, et il se livrait sans réserve à la dévotion et à l'amour de Dieu. Il y goûtait des délices toutes célestes, quand, en vue sans doute de mettre sa vertu à l'épreuve et de se l'attacher toujours plus étroitement, Dieu permit que son bonheur fût troublé. Le démon lui mit dans l'esprit que tout ce qu'il faisait ne lui servirait de rien, attendu que, dans les décrets divins, il était réprouvé. Ce qui prêta de nouvelles forces à la tentation et la rendit plus affligeante pour le cœur du saint jeune homme, ce fut l'état d'obscurité et de sécheresse dans lequel il plut à Dieu de le laisser pendant ce temps. Il était devenu insensible aux pensées les plus consolantes tirées de la bonté divine. Enfin ses craintes et ses désolations allèrent si loin, qu'il en perdit l'appétit, le sommeil, le teint, la gaieté, il faisait compassion à tous ceux qui l'observaient. Pendant cette horrible tempête, le saint ne pouvait ni concevoir de pensée ni proférer de paroles, qui ne fussent inspirés par la désolation et la douleur. « Je serai donc, s'écriait-il, privé de la grâce de mon Dieu, qui par le passé a été pour moi si aimable et si doux. Ô amour, ô beauté, à laquelle j'ai voué toutes mes affections, je ne jouirai donc plus de vos consolations. Ô Vierge, Mère de Dieu, la plus belle de toutes les filles de Jérusalem, je ne vous verrai donc jamais en paradis? Ah, s'il ne m'est pas donné de contempler votre ravissant dans le ciel, ne permettez pas du moins que je sois réduit à vous blasphémer et à vous maudire dans l'enfer. » Tels étaient alors les tendres sentiments de ce cœur affligé et plein d'amour pour Dieu et pour Marie. La tentation dura plus d'un mois, mais enfin, le Seigneur voulut bien l'en délivrer par l'entremise de la consolatrice du monde, la bienheureuse Vierge, à qui le saint avait déjà consacré sa virginité, et en qui il disait avoir placé toutes ses espérances. Un soir, en retournant chez lui, il entre dans une église, et aperçoit, fixée au mur, une tablette sur laquelle il trouve tracée l'invocation de saint Augustin, « Souvenez-vous, très miséricordieuse Marie, que jamais on n'ouit que personne, après s'être réfugié sous votre protection, se soit vu abandonner. Aussitôt, prosterné devant l'autel de la Mère de Dieu, il récite avec ferveur cette prière, renouvelle son vœu de virginité, promet de réciter chaque jour le chapelet, et termine par ces mots, « Ma reine, soyez mon avocate auprès de votre divin Fils, auquel je n'ai pas la hardiesse de m'adresser. Ô ma mère, si j'ai le malheur de ne pouvoir aimer mon Dieu dans l'autre monde, quoique je le sache si digne d'être aimé, obtenez-moi du moins que je l'aime en cette vie le plus que je pourrai, c'est la grâce que je vous demande, et j'espère l'obtenir de vous. » Après avoir ainsi prié la Sainte Vierge, il s'abandonne entre les bras de la Divine Miséricorde, et se résigne entièrement à la volonté de Dieu. Mais sa prière était à peine finie, qu'en un instant il fut délivré de la tentation par sa tendre mère. Il recouvra aussitôt la paix intérieure, et avec elle la santé du corps, et depuis, il conserva toujours la plus vive dévotion envers Marie, dont il ne cessa, tant qu'il vécut, de publier les louanges et les miséricordes, dans ses discours et ses écrits. Prière, ô Mère de Dieu, Reine des anges et espérance des hommes, écoutez un pécheur qui vous implore et vous appelle à son secours. Me voici aujourd'hui prosterné à vos pieds, moi misérable esclave de l'enfer, je me consacre pour toujours à vous comme votre serviteur, et je m'offre à vous servir et à vous honorer de tout mon pouvoir, pendant toute ma vie. Vous ne retirerez aucune gloire, je le reconnais, des services d'un esclave vil et pervers comme moi, qui étant offensé Jésus-Christ, votre Fils et mon Rédempteur. Mais si vous recevez un indigne au nombre de vos serviteurs, si vous le rendez digne de cette qualité en le changeant par votre intercession, cette miséricorde même envers lui vous procurera la gloire que ne saurait vous rendre un misérable tel que je suis. Daignez me recevoir, ô ma mère, et ne point me rebuter. Pour chercher les brebis perdues, le Verbe éternel est descendu du ciel sur la terre, pour les sauver, il s'est fait votre Fils, et vous pourriez dédaigner une pauvre brebis qui vous prie de lui faire retrouver Jésus? Déjà le prix de mon salut est acquitté, déjà, en versant son sang précieux, mon Sauveur a payé pour moi une rançon qui suffirait à racheter des mondes en nombre infini, il ne reste plus qu'à m'en appliquer les mérites, et cela dépend de vous, ô Vierge bénie. Oui, dit Saint Bernard, c'est à vous de dispenser à qui il vous plaît les mérites de ce sang divin. Oui, dit aussi Saint Bonaventure, vous pouvez sauver qui vous voulez. Ainsi, ô ma reine, assistez-moi, ma douce souveraine, sauvez-moi. Je remets aujourd'hui entre vos mains toute mon âme, songez à la sauver. Je finis en vous disant avec le même Saint Bonaventure, ô vous, le salut de ceux qui vous invoquent, sauvez-moi. Combien Marie est puissante à défendre ceux qui l'invoquent contre les attaques du démon. La très sainte Vierge Marie n'est pas seulement reine du ciel et des saints, son pouvoir s'étend encore sur l'enfer et sur les démons, dont elle a triomphé par l'héroïsme de ses vertus. Déjà à l'origine du monde, Dieu prédit au serpent infernal cette glorieuse victoire de notre reine, et l'empire que par suite elle devait exercer sur lui. Car dès lors il lui annonça la venue en ce monde d'une femme qui ruinerait sa puissance. « Je mettrai, lui dit-il, des inimitiés entre toi et la femme, elle te brisera la tête. » Genèse 3:15. Qu'elle fut, en effet, cette femme, cet ennemi du serpent, si ce n'est Marie, qui, par son admirable humilité et sa sainte vie, le vainquit toujours et anéantit ses forces. C'est ce qu'enseigne Saint Cyprien, Et après lui un autre ancien auteur, lequel fait observer en outre que Dieu ne dit pas « au présent, je mets, mais au futur, je mettrai » pour indiquer que cette femme victorieuse de Satan ne serait pas Ève, alors vivante, mais une autre femme qui descendrait d'elle et apporterait à nos premiers parents, selon la pensée de saint Vincent Ferrier, plus de bien qu'ils n'en avaient perdu par leur faute. Marie est donc cette femme forte par excellence, qui a vaincu le démon, et lui a brisé la tête, selon la divine prédiction, en réprimant son orgueil. Quelques-uns doutent, à la vérité, si cette prophétie ne concerne pas plutôt Jésus-Christ que Marie, parce que la version des Septante porte « Il te brisera la tête », mais dans notre Vulgate, seule version approuvée comme règle de foi par le Concile de Trente, nous lisons « Elle » et non « Il te brisera la tête ». Ainsi d'ailleurs ont lu et compris saint Ambroise, saint Jérôme, saint Augustin, saint Jean Chrysostome, et beaucoup d'autres. Quoi qu'il en soit, il demeure certain, ou que le Fils a défait Lucifer par le moyen de sa mère, ou que la mère en a triomphé par la puissance de son Fils, en sorte que l'Esprit superbe s'est vu, à son grand dépit, abattu et foulé aux pieds de cette Vierge bénie, dit saint Bernard, et comme un prisonnier de guerre et de droit l'esclave de son vainqueur, Satan se voit pour toujours forcé d'obéir aux injonctions de notre reine. En se laissant vaincre par le serpent, Ève nous apporte à la mort et les ténèbres, remarque saint Bruno, mais en domptant, en enchaînant le démon, Marie nous apporte à la vie et la lumière. Oui, elle l'a enchaîné, et de telle sorte que cet ennemi est hors d'état de nuire en rien à ceux qui la servent avec amour. Bien beau est le commentaire de Richard sur les paroles des Proverbes, « Le cœur de son épouse confie en elle, et il ne manquera point de dépouille. » Proverbe 31, 11. Jésus est l'époux de toutes les âmes saintes, et avant tout de celle de Marie. Or, dit cet auteur, il ne saurait manquer de dépouille, parce que, tous les esclaves du démon que Marie délivre par ses prières, ses mérites et ses exemples, elle les soumet au domaine de cet époux divin. Toute semblable est l'interprétation de Cornelius Dieu, dit-il, a remis entre les mains de Marie le cœur de Jésus, afin qu'elle prenne soin de le faire aimer des hommes. Comment donc manquerait-il de dépouilles? Marie lui apporte un nombre infini d'âmes, dépouilles opimes que sa puissance secourable enlève à Satan. On sait que la palme est le symbole de la victoire, c'est pourquoi notre reine a été placée sur un trône élevé, en face de tous les potentats, comme un palmier, pour signifier la victoire que peuvent se promettre en toute assurance ceux qui se mettent sous sa protection. Ainsi peuvent s'entendre ces paroles dans sa bouche, « J'ai été élevé comme un palmier en Kadès, Ecclésiastique 24, 8, et cela, pour vous défendre, ajoute le bienheureux Albert le Grand. Mes enfants, semble-t-elle nous dire par là, quand l'ennemi vous attaque, recourez à moi, regardez-moi, et prenez courage, car vous verrez en moi votre défense et votre victoire tout à la fois. Le recours à Marie est donc un moyen très sûr de vaincre tous les assauts de l'enfer, et en effet, selon saint Bernardin de Sienne, elle étend son empire jusque dans l'enfer, elle règne en souveraine sur les démons eux-mêmes, c'est elle qui les dompte et les terrasse. Aussi est-il écrit de Marie qu'elle est terrible pour les puissances de l'enfer, comme une armée en bon ordre, Cantique 6, 3, tant elle sait bien disposer son pouvoir, sa miséricorde et ses prières, pour la confusion de ses ennemis. et pour le plus grand bien de ses serviteurs qui, dans les tentations, invoquent son tout-puissant secours. Semblable à la vigne, lui fait dire l'Esprit Saint, « J'ai produit des fleurs d'une odeur agréable, Ecclésiastique 24, 23. » Or, remarque Saint Bernard sur ce passage, « Lorsque la vigne fleurit, on assure que tous les reptiles venimeux s'en éloignent, Cantique 60. De même, les démons fuient loin de ces âmes heureuses dans lesquelles ils sentent l'odeur de la dévotion envers Marie. Elle est aussi comparée au cèdre, « Je me suis élevé comme le cèdre sur le Liban, Ecclésiastique 24, 17, parce que, si le cèdre est incorruptible, Marie fut exempte du péché, et plus encore parce que, selon la remarque du cardinal Hugues, comme l'odeur du cèdre met en fuite les serpents, la sainteté de Marie met en fuite les démons. L'Arche d'Alliance assurait la victoire aux Israélites. C'est sur son secours que comptait Moïse pour voir les ennemis en déroute. Quand on élevait l'Arche, Moïse disait « Levez-vous, Seigneur, et que vos ennemis se dispersent. » Nombre 10, 35. Ainsi tombèrent les murs de Jéricho, ainsi furent vaincus les Philistins, car l'Arche de Dieu était là. 1 Rois 14, 18, Vulgate Clémentine, dit l'Écriture, rendant compte de ses glorieux triomphes. Or, on le sait, l'arche était la figure de Marie. Dans l'arche se trouvait la manne, dit le Père Cornelius, et en Marie se trouve Jésus, préfiguré par la manne, et c'est par le moyen de cette arche qu'il nous rend victorieux des ennemis que la terre et l'enfer arment contre nous. De là cette pensée de Saint Bernardin de Sienne, que quand Marie, cette arche du Nouveau Testament, fut élevée au ciel pour en être la reine, le pouvoir de l'enfer sur l'humanité fut affaibli et ruiné. Ô s'écrit Saint Bonaventure, comme les démons redoutent Marie, comme son grand nom les fait trembler. Le même saint compare 16 ennemis des âmes au larron dont il est écrit au livre de Job, 24, 16, à la faveur des ténèbres, ils vont piller les maisons, où ils pénètrent en perçant le mur, mais quand l'aurore vient apparaître, ils s'enfuient comme s'ils voyaient l'ombre de la mort. Ainsi font les démons, dit Saint Bonaventure, ils entrent dans nos âmes à la faveur des ténèbres de l'ignorance, mais aussitôt qu'apparaissent dans une âme la grâce et la miséricorde de Marie, les ténèbres se dissipent devant cette belle aurore, et les mauvais esprits s'enfuient comme pour éviter la mort. Heureux donc celui qui, dans ses luttes contre l'enfer, invoque le beau nom de Marie. Cette doctrine fut confirmée par une révélation faite à Sainte Brigitte. Dieu, apprit-elle, a donné à Marie un tel pouvoir sur tous les démons, que quand un de ses serviteurs assailli par eux réclame son secours, d'un signal les épouvante et les met en fuite, ils aimeraient mieux voir redoubler leur supplice, que de sentir peser plus longtemps sur eux le joug de la puissance de la Vierge. Faisant l'éloge de cette épouse bien-aimée, l'époux divin la compare au lys, et dit qu'elle est entre les autres vierges ce que le lys est entre les épines, Cantique 2, 2. Sur quoi Cornelius fait la réflexion suivante, le lys est un spécifique contre le venin des serpents et les autres poisons, et l'invocation de Marie est un remède souverain contre toutes les tentations, spécialement celle d'impureté. C'est ce dont peuvent rendre témoignage tous ceux qui en ont fait l'expérience. Saint Jean Damascène disait à Marie, « Et quiconque a le bonheur d'être attaché au service de cette grande reine, peut lui dire pareillement, « Ô Mère de Dieu, si j'espère en vous, bien certainement je ne succomberai point, soutenu par vous. Je poursuivrai mes ennemis, Alors très-je opposerai le bouclier de votre protection et de votre puissance tutélaire, et je me tiens sûr de les vaincre. Le savant moine Jacques, compté parmi les pères grecs, a donc pu s'exprimer ainsi en s'adressant au Seigneur, en nous donnant cette sainte mère, vous nous avez remis entre les mains l'arme la plus puissante contre tous nos ennemis, et le gage le plus assuré de la victoire. Selon le récit des livres saints, quand le peuple juif fut sorti de l'Égypte, le Seigneur le guida depuis ce pays jusqu'à la terre promise, le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu, Exode 13, 21. Cette merveilleuse colonne, tantôt nuée et tantôt feu, préfigurait Marie, remarque Richard, et le double office de charité qu'elle exerce continuellement en notre faveur comme nuée. Elle nous met à couvert des ardeurs vengeresses de la divine justice, et comme feu, elle nous protège contre les démons. Car, à l'égard des démons, cette glorieuse créature est un feu dévorant, la cire approchée d'un brasier se fond et s'écoule, de même, assure Saint Bonaventure. Les esprits impurs sentent leurs forces brisées en présence des âmes qui se rappellent fréquemment le nom de Marie et l'invoquent avec dévotion, surtout si elles s'étudient à l'imiter. Oh comme les démons tremblent, dès que retentit à leurs oreilles le nom de Marie. Non seulement les rebelles craignent la Vierge, dit Saint Bernard, mais de plus, s'ils viennent seulement à entendre son nom de Marie, les voilà qui tremblent de frayeur. Thomas à Campy en parle de même, les esprits malins redoutent la reine du ciel, son nom seul est pour eux comme un feu aux atteintes duquel ils se dérobent par la fuite. Et si les hommes se laissent tomber de frayeur quand la foudre éclate à leurs pieds, les démons ne sont pas moins épouvantés, abattus par le nom de Marie. Et combien de glorieuses victoires sur 16 ennemis du salut les serviteurs de Marie ont dû à la vertu de son saint nom. Ainsi les a vaincus saint Antoine de Padoue, ainsi le bienheureux Henri Suzon, ainsi tant d'autres aimants de Marie. On sait par les relations des missionnaires du Japon, qu'un jour, dans ce pays, une troupe de démons apparurent à un chrétien sous la forme d'animaux féroces. Comme ils cherchaient à l'épouvanter par leurs menaces, il leur répondit « Je n'ai point d'arme qui puisse vous nuire, si le Très-Haut vous le permet, faites de moi tout ce que vous voudrez, seulement, j'emploierai pour ma défense les doux noms de Jésus et de Marie. » Il avait à peine dit, et voilà qu'au son de ces noms redoutables, la terre s'ouvre, et ses esprits superbes s'y précipitent. Saint Anselme atteste que beaucoup de personnes qu'il a lui-même vues et entendues, ont soudainement échappé, pour avoir prononcé le nom de Marie, au péril qui les menaçait. Que, votre nom est glorieux et admirable, ô Marie, ceux qui n'oublient pas de le prononcer à l'article de la mort, n'ont rien à craindre, eussent-ils contre l'enfer tout entier? Car les démons abandonnent une âme sitôt qu'ils l'entendent prononcer le nom de Marie. Ainsi parle Saint Bonaventure, et il ajoute que les rois en guerre avec leurs voisins ne redoutent pas une nombreuse armée, comme les puissances de l'enfer redoutent le nom de Marie et sa protection. Ô Vierge puissante, dit Saint Germain, la seule invocation de votre nom met vos serviteurs en sûreté contre tous les efforts de leurs ennemis. À plus au ciel que dans les tentations, les chrétiens fussent attentifs à invoquer avec confiance le nom de Marie. Il est certain qu'ils ne tomberaient jamais. Non, jamais, dit Alain de la Roche, car, dès que le tonnerre de ce grand nom vient à éclater, les démons fuient, et l'enfer tremble. Et selon une révélation de notre céleste reine à Sainte Brigitte, il n'est pas de pécheur tellement désespéré, tellement éloigné de Dieu et livré au pouvoir des démons, que ses ennemis ne l'abandonnent tout d'abord, pourvu qu'avec un sincère propos de s'amender, il ait recours au tout-puissant nom de Marie. Seulement, ajouta-t-elle, si l'âme pécheresse ne se corrige, et ne se purifie du péché par le repentir, les démons reviennent bientôt à elle, et continuent de la tenir sous leur joug. Exemple, au monastère de Reicherspeer, en Bavière, vivait un chanoine régulier, nommé Arnoul, très dévot à la Sainte Vierge. Se trouvant à l'article de la mort, il reçut les sacrements, puis il fit venir ses confrères auprès de son lit, et les pria de ne pas l'abandonner dans ce dernier passage. Il avait à peine dit, qu'ils le virent trembler de tous ses membres, rouler des yeux hagards et se couvrir d'une froide sueur. « Ne voyez-vous pas ?» leur dit-il d'une voix entrecoupée, « ces démons qui veulent m'entraîner en enfer ?» Ensuite il s'écria, « mes frères, implorez pour moi le secours de Marie, j'ai la confiance qu'elle me donnera la victoire. » À ces mots, les assistants récitèrent les litanies de la Sainte Vierge, et lorsqu'ils dirent Sancta Maria, Ora pro eo, le moribond reprit répéter, répétez le nom de Marie, car je suis déjà au tribunal de Dieu. Il s'arrêta quelques instants, et puis il ajouta, il est vrai que je l'ai fait, mais j'en ai fait pénitence. Et s'adressant alors à la Divine Mère, il s'écria, ô Marie, je serai délivré, si vous venez à mon aide. Après cela, les démons lui donnèrent encore un assaut, mais il se défendait avec le crucifix et en invoquant Marie. Ainsi passa-t-il la nuit entière. Enfin, le matin venu, Arnoul reprit un air serein, et s'écria plein de joie, « Marie, ma protectrice et mon refuge m'a obtenu le pardon et le salut. » Regardant ensuite la bienheureuse Vierge, qui l'invitait à la suivre, « Je viens, » dit-il, « ma reine, je viens. » Il fit en même temps un effort comme pour la suivre, et il expira doucement. Si son corps demeura ici-bas, son âme du moins, nous en avons la confiance, suivit Marie au royaume de la gloire. Prière. Voici à vos pieds, ô mon espérance, Marie, un pauvre pécheur, qui s'est fait bien des fois l'esclave volontaire de l'enfer. Si je me suis laissé vaincre par les démons, je le confesse, c'est pour n'avoir pas eu recours à vous, mon unique refuge, si je n'y eusse jamais manqué, si toujours je vous eusse invoqué, jamais je n'aurais succombé. Grâce à vous, j'en ai la confiance, ô toute aimable reine, je suis maintenant échappé aux mains des démons, et rentré en grâce avec Dieu, mais je tremble pour l'avenir. Je crains de retomber dans les fers. Je sais que mes ennemis n'ont pas perdu l'espoir de me vaincre encore une fois, et que déjà ils me préparent de nouveaux assauts, de nouvelles tentations. À ma souveraine et mon refuge, secourez-moi, cachez-moi sous votre manteau, ne souffrez pas qu'on me voie redevenu leur esclave. À condition de vous invoquer, je suis assuré de votre secours et de la victoire, mais il me reste une crainte, il pourrait m'arriver de ne pas me souvenir de vous dans les tentations, et d'oublier de vous invoquer. Ainsi, ô Vierge Sainte, la grâce que je sollicite et que je désire obtenir de vous, c'est de me souvenir toujours de vous, surtout dans les combats que j'ai à soutenir. Accordez-moi d'être fidèle à vous invoquer fréquemment, en disant Marie, secourez-moi, ô Marie. Et quand enfin viendra le jour de ma dernière lutte contre l'enfer, à l'heure de ma mort, à ma reine, assistez-moi plus puissamment encore en ce moment-là, et vous-même, faites-moi penser alors à vous invoquer plus souvent. soit de bouche, soit au moins de cœur, afin qu'en expirant avec votre doux nom et celui de votre divin Fils Jésus sur les lèvres, je puisse être admis à vous bénir et à vous louer en paradis, pour ne plus cesser de me tenir à vos pieds pendant toute l'éternité. Amen. Markendanarchive.org, 2023, d'après Books Google FR et livremystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.